Les projets, j'en ai plein l'horizon. L'horizon, tu sais où, tout là-bas. Je suis libre, je suis libre. Majesté, j'ai laissé ta chemise. Ta chemise, tu sais là, rouge et noir. Qui m'enivre, qui m'enivre. Liberté, tu m'as prise dans tes bras. Dans tes bras, tu sais les deux qu'on a. Je suis libre, je suis libre. Laisse faire les viens danser. Laisse le monde qui gueule où il est. Prends ma main, je t'emmène avec moi. Avec moi, on verra tout là-bas. On est libre, on est libre. Champ de blé, je passerai la saison. En prison, pour t'avoir embrassé. Je suis libre, je suis libre. Laisse faire les viens danser. Laisse le monde se plaindre où il est. Laisse faire les viens danser. Laisse le monde tourner, aller. Travailler, je profite, je dis non. Non de non. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au grenier, devant une chauve-souris, j'ai compris. Et j'ai dit dans le noir, je suis libre, je suis libre. Laisse faire aller, viens danser. Laisse le monde aller comme il est. Laisse faire aller, viens danser. Laisse le monde aller, aller. Laisse tomber ta chemise. Ta chemise, tu sais la rouge et noir. Qui m'enivre, qui m'enivre. Laisse faire aller, viens danser. Laisse le monde aller où il est. Laisse faire aller, viens danser. Laisse le monde aller, aller. Je suis libre, je suis libre.